Il y a bien longtemps, et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Le prince et le pauvre. Il était une fois, à Londres, en Angleterre, un pauvre paysan et sa femme qui venaient d'avoir un bébé. On le baptisa Tom Canty. C'était le petit dernier d'une famille nombreuse qui mangeait rarement à sa faim. La maison était une cabane sans confort et l'on coucha le nouveau-né sur un tas de paille recouvert d'un tissu grossier. Le même jour, dans les beaux quartiers de Londres, naquit un prince, fils du roi et de la reine d'Angleterre. On le baptisa Édouard et on le coucha dans des draps de soie, dans un berceau en or. Des fanfares et des coups de canon annoncèrent sa naissance. Vive le prince ! Vive le nouveau-né ! Cria la foule amassée devant les portes du palais. En revanche, lorsque le papa de Tom annonça la naissance de son fils à ses voisins, ceux-ci soupirèrent. Le vieux Canty a encore eu un fils. On se demande comment il va le nourrir. Bien que Tom fût pauvre, il était heureux. Il gagnait sa vie en mendiant et n'avait jamais faim. Il avait beaucoup d'imagination et inventait des histoires de palais et de châteaux, de fées et de nains, de rois et de reines. Souvent, il s'endormait en rêvant qu'il était prince et vivait dans un grand palais. Un jour, en passant précisément devant les grilles du palais royal, Tom aperçut le prince Édouard qui faisait sa promenade dans la cour avec son petit chien. « Comme c'est curieux, le prince Édouard me ressemble !» pensa Tom. En effet, les deux enfants se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Tom s'approcha de la grille pour mieux voir, mais un garde le saisit violemment par le bras en criant « Halte ! Ne t'approche pas aussi près des grilles, petit mendiant !» Tom en eut les larmes aux yeux, et le jeune prince eut pitié de lui. « Quelle curieuse manière vous avez de traiter ce pauvre garçon ! Ouvrez les portes et laissez-le entrer immédiatement » ordonna-t-il au garde. Tom entra dans la cour et salua le prince. « Bonjour, Majesté !» dit-il en s'inclinant. « Tu as l'air fatigué et affamé !» remarqua le prince. « Viens avec moi !» Six laquais conduisirent le prince Édouard et Tom Canty dans une pièce magnifique décorée de riches draperies. C'était la chambre du prince. Lorsque les laquais se retirèrent, les deux enfants se mirent à parler comme de vieux amis. Tom raconta au prince qu'il vivait dans un quartier pauvre de la ville avec ses frères, ses sœurs et ses parents. J'aimerais beaucoup que tu passes la soirée avec moi, mais si tu rentres tard, ta famille s'inquiétera, dit le prince. Oh non, mais si je rentre sans argent, mon père me battra certainement, répondit Tom. Ton père te bat ? S'étonna Édouard. Mais tu as l'air si fragile. Et qu'en pensent les domestiques ? Les domestiques ? Mais Majesté, un pauvre garçon comme moi n'a pas de domestique ! S'esclaffa Tom. Qui t'aide à te déshabiller alors ? Demanda le prince de plus en plus stupéfait. Oh, je n'ai pas besoin d'aide. J'ai si peu de vêtements que je peux me déshabiller seul ?» Le prince, qui avait une garde-robe bien fournie, s'étonna des réponses de Tom. Après avoir parlé longuement de leur vie si différente, le prince eut une idée. « Il me semble que si je pouvais mettre tes vêtements, je pourrais encore mieux m'imaginer ta vie, » dit-il à Tom. « Et si je pouvais mettre les vôtres, Majesté, je saurais enfin ce que l'on ressent quand on est prince, » répondit Tom en riant. Alors, le prince et le pauvre échangèrent leurs vêtements. « Oh, j'ai vraiment l'impression d'être un prince !» fit Tom. « Et moi d'être un pauvre !» fit le prince. Vêtu des vêtements de Tom, le prince Édouard sortit dans la cour du palais et ordonna aux gardes d'ouvrir les portes. Mais le garde le saisit par l'oreille et le jeta dans la rue en disant « Encore toi, petit polisson, sors d'ici et ne t'avise plus de venir déranger le prince !» « Mais je suis le prince !» cria Édouard. « Et je vous ferai jeter en prison pour m'avoir insulté d'une telle manière !» Des passants curieux s'assemblèrent autour du jeune garçon. « Ce polisson prétend être notre bon prince Édouard !» ironisa le garde. Et tout le monde se mit à rire. Le prince Édouard s'enfuit devant la foule moqueuse qui l'interpellait. « Faites place à son Altesse royale !» criaient les passants. Édouard courut à en perdre haleine sans savoir où il allait. Il se retrouva ainsi dans le quartier le plus pauvre de la ville, comme les maisons étaient petites et les rues sales. Un homme s'approcha de lui et le saisit par l'oreille. C'était le père de Tom Canty. « Où étais-tu donc passé, chenapan ? Allons ! Tu as assez traîné aujourd'hui, donne-moi l'argent que tu as gagné !»« Ne me touchez pas, citoyen, c'est au prince que vous parlez !» cria Édouard en essayant de se libérer. Le père de Tom crut que le pauvre gosse avait perdu la tête. Plus Édouard tentait de le persuader qu'il n'était pas Tom, plus le père se fâchait. Pendant ce temps-là, au palais, Tom Canty était traité d'une manière princière. Partout où il allait, six laquais le suivaient. S'il laissait tomber quelque chose, les laquais s'empressaient de le ramasser. Tom, qui n'était pas habitué à avoir des domestiques, était très mal à l'aise. Un après-midi, les laquais vinrent le chercher. « Le roi demande à vous parler, » dirent-ils en s'inclinant respectueusement. Tom trembla de peur. Quelques minutes plus tard, il s'inclina à son tour devant le roi en disant « Majesté, je ne suis pas le prince Édouard, mais un pauvre garçon originaire du quartier le plus misérable de la ville. Je m'appelle Tom Canty, et votre fils, le prince, a été jeté à la rue par un garde qu'il avait pris pour moi. » Le roi l'observa le visage soucieux. « Mon cher fils, tu n'es pas malade au moins. Pourquoi parles-tu comme un fou ?» « Je vous ai dit la vérité, votre majesté, » répondit Tom. « Allons, Édouard, tu ne me reconnais pas. Je suis ton père, » dit le roi, que cette histoire commençait à énerver. « Non, majesté, mon père vit dans le quartier pauvre de la ville, » répondit Tom courageusement. Le roi fit appeler les meilleurs médecins du royaume, mais aucun ne put découvrir pourquoi le prince Édouard tenait d'aussi étranges discours. Alors, le roi sombra dans un profond désespoir et tomba gravement malade. Quant au vrai prince Édouard, il menait une vie misérable chez les Canty. Un jour de marché, il réussit à s'enfuir et fila au palais. En arrivant, il vit une foule grouillante devant les grilles. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il à un jeune homme. « Notre vieux roi est mort ce matin, » répondit le jeune homme. Les yeux d'Édouard se remplirent de larmes. Le jeune homme qui venait de lui apprendre si brutalement la mort de son père s'appelait Dick. Il avait bon cœur et eut pitié du petit garçon si triste. reste avec moi et sèche tes larmes, lui dit-il. Regarde, nous avons un nouveau roi. Applaudissons-le. Vive le roi ! Cria la foule lorsque Tom apparut au balcon. Mais c'est moi le roi ! Hurla Edward. Ah, le pauvre garçon, il doit être simple d'esprit, pensa Dick, qui décida de prendre soin de lui en l'emmenant dans une auberge où ils firent un bon repas. Maintenant, retourne la cassette. Mis en confiance, Edward raconta son histoire à Dick. Il lui dit comment il avait fait entrer Tom au palais, comment ils avaient échangé leurs vêtements et comment le garde, le prenant pour Tom, l'avait jeté à la rue. « Alors tu vois, Dick, en ce moment, tu dînes avec le roi d'Angleterre », conclut Edward en riant. Dick le regarda bouche bée. « Ce pauvre gosse est complètement fou », se dit-il. Mais pour ne pas lui faire de peine, il fit semblant de le croire. Le lendemain, Dick partit en ville et dit à Edward de l'attendre à l'auberge. Il ignorait que depuis la veille, le père de Tom les avait suivis. Dès le départ de Dick, le vieux Canty, fou de rage, se précipita à l'auberge et saisit Edward au collet. « Suis-moi immédiatement, mauvais garnement !» grogna-t-il. « Je n'irai nulle part avec vous. Je suis le roi d'Angleterre !» rétorqua Edward. « Tais-toi, idiot !» répliqua le père en entraînant Edward vers un coupe-gorge où les attendait une bande de voleurs. « Messieurs, faites la révérence devant le roi d'Angleterre !» leur dit Edward sur un ton majestueux. « Comment ? Le roi d'Angleterre ? Le fils du vieux Canty est complètement fou !» s'esclaffèrent les voleurs en se tordant de rire. Pendant les jours qui suivirent, le jeune roi assista impuissant au larcin de la bande de voleurs. Un matin, ils attaquèrent une petite ferme et tentèrent de voler un cochon. Pris en flagrant délit, ils réussirent à s'échapper tous, sauf le pauvre Edward, que le fermier et sa famille pourchassèrent avec des bâtons. « Arrêtez ! Ne me touchez pas, je suis le roi d'Angleterre !» criait Edward à tue-tête. Heureusement, le hasard voulut que Dick, de retour à l'auberge, passe devant la ferme et soit témoin de la scène. « Laissez ce pauvre garçon en paix ! Je me chargerai de le punir moi-même » dit-il au fermier. Puis il emmena Edward, bien décidé à ne plus le quitter. Dans le centre de Londres, c'était le jour de la cérémonie du couronnement et les rues étaient noires de monde. La foule s'inclinait devant le cortège royal dirigé par Tom Canty en tenue d'apparat. « Vive Édouard, le roi d'Angleterre !» criaient les badauds. « Arrêtez-le, c'est un imposteur, c'est moi le roi !» hurla Édouard, mais les gens souriaient, croyant qu'il était fou. « Si seulement quelqu'un pouvait me reconnaître !» soupira Edward en faisant une dernière tentative pour s'approcher du cheval de Tom. Un garde le repoussa brutalement. « Halte là, petit polisson ! On s'écarte sur le passage du roi d'Angleterre !» Lorsque le cortège royal arriva devant la cathédrale, Tom descendit de cheval et la foule l'applaudit. L'archevêque s'avança et s'apprêtait à poser la couronne sur la tête tremblante de Tom lorsqu'un garçon en haillons traversa le parvis en criant « Ne posez pas la couronne d'Angleterre sur sa tête, ce n'est pas le roi !»« Il a raison, c'est lui le vrai roi !» fit Tom soulagé en tendant la main à Edward. Un grand silence se fit dans la foule. Et l'évêque se gratta le menton en disant « Comment savoir lequel des deux dit vrai ? Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Demandez-leur où se trouve le sceau royal. Seul le roi le sait, suggéra un courtisan. Il est caché dans un coffre derrière le trône de feu mon père, répondit fièrement Édouard. De toute évidence, notre ami en haillons est le roi d'Angleterre, déclara l'archevêque en posant la couronne sur la tête d'Édouard. Voilà donc comment commença le règne d'Édouard, roi d'Angleterre. Le soir de son couronnement, il fit appeler Tom Canty et le remercia de son honnêteté. Tout le monde à la cour m'a dit que tu n'avais pas cessé de répéter que tu n'étais pas le roi. Tu es un ami sincère et fidèle. Et grâce à toi, j'ai découvert à quel point la vie est difficile dans les quartiers pauvres de Londres. Désormais, nous ne nous quitterons plus. Après tout, nous sommes frères, puisque nous sommes nés le même jour. Et depuis ce jour-là, on ne vit plus jamais le prince et le pauvre l'un sans l'autre. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de la femme serpent.